Cours numéro 8. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ala nazal wa lillahi alhamd naqra fi hadihi ar-risala hannafi'a shah kashf ash-shubuhat wa na'am taqaddam ma'ana al-farq بين توحيد المشركين وتوحيد المرسلين والخلاصة أن الاعتراف بتوحيد الربوبية لا يكفي بل لابد من إفراد الله عز وجل بالعبودية. Donc c'est le résumé de tout ce qu'on a vu depuis le départ. أي أن le fait de reconnaître أن الله عز وجل c'est le خالق الرازق المحيي المميت c'est le créateur subhana, ça ne suffit pas pour rentrer dans l'islam. Bal la bud min tawhid al-uluhiyya. Ay, adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et c'est ça le sens de la ilaha illallah. Fanaqra ma baqiya min hadha al-kalam al-mufid. Et c'est toujours dans bayan hadha al-farq. أي cette différence entre le mushrik et le muwahhid وتقدم معنا هذا كثيرا في القواعد الأربع كذلك في الواجبات كذلك في هذا الكتاب فce qu'on va lire اليوم ولله الحمد on l'a déjà vu كثيرا ensemble فنقرأ قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها وهذا سموه أي هذه الكلمة العظيمة ستمونيال شهادة بأنه لا إله إلا الله المراد أي البت سباك كدو بخنونسي فقط وعياذا بالله الإنسان يخالف هذه الكلمة باعتقاد أو بكلمة أو بفعل سيبقى الأوبجيكتيف كم من الناس يقولون هذه الكلمة ويخالفونها يديز ست كلمة يبخونون ست تيمونياج عظيم ثم يسكون تخديز avec une parole ou avec une croyance ou avec un acte عياذا بالله قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المشركين إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت شك نبي دعا إلى تحقيق معنى هذه الكلمة قال ومعناها لا معبود بحق إلا الله وهو الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين ولم يبعثه إليهم يدعوهم إلى توحيد الربوبية لأنهم مقرون به وهو لا يكفي لأنه قاتلهم وهم مقرون به كما تقدم الربوبية أي reconnaître أن الله عز وجل c'est le créateur, c'est lui qui gère cet univers فكانوا يعترفون بهذا يغوكونسي هذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم il les a combattus. Ça montre أن معنى لا إله إلا الله c'est pas توحيد الربوبية. لا. معنى لا إله إلا الله c'est العبادة. Adorer الله سبحانه وتعالى seul. Et personne ne mérite هذه العبادة العظيمة إلا الله. Ça montre أن celui qui adore autre qu'Allah سبحانه وتعالى même s'il adore الله عز وجل فإلى أنل هذه الكلمة العظيمة قال ومن قال إنه يكفي فإنه يلزم عليه تغليط الرسول صلى الله عليه وسلم نعم كيف خيطان قصاص فيه فكأنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يستخنق ولو هؤلاء لديسبابك لسان المقال لأن هذا قوس كفر لكن لو كان من أمبلغ هذا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a combattu هؤلاء فسي ils auraient reconnu أو ils auraient accepté هذه الكلمة لأنها سمعنا الربوبية et هم ils ont reconnu الربوبية فالنبي صلى الله عليه وسلم ne les aurait jamais combattus. قال وأنه قاتل أناسا مسلمين يعترفون بلا إله إلا الله. إذا فسرناها بتوحيد الربوبية وهو الإقرار بالخالق الرازق القادر على الاختراع. هذا سنة تفسير كنفة صحيح. قال ومع الأسف هذا التفسير الخاطئ للا إله إلا الله موجود في كتب العقائد التي ألفها علماء الكلام وعلماء المنطق من المعتزلة والأشاعرة والتي تدرس في كثير من المعاهد الإسلامية الآن beaucoup d'écoles, beaucoup de معاهد, beaucoup de مراكز, beaucoup de مساجد. هذا المعتقد الخاطئ إلي بروباجي أي تفسير لا إله إلا الله بالربوبية. لماذا؟ لأنهم ils ont expliqué, ils ont compris أن الإله ça voulait dire الخالق أو القادر على الاختراع. C'est le خالق, celui qui est capable de créer. Vu qu'ils ont compris معنى الإله بالربوبية, ils ont expliqué لا إله إلا الله بمعنى الربوبية. أي celui qui dit لا إله إلا الله et il a la conviction أن الله عز وجل c'est le créateur unique, c'est un mouahid. فهذا ça suffit pas. كما سينبي عليه الشيخ الفوزان حفظه الله. قال وعقائدهم مبنية على هذا الرأي وأن الإله معناها القادر على الاختراع. فمن اعترف أن الله هو الخالق الرازق يعتبر موحدا أي عند هؤلاء. رقص خطأ ظاهر. قال وأما من اعتقد أن أحدا يخلق أو يرزق مع الله فهذا هو المشرك عندهم, مع أن الشرك إنما وقع في توحيد الألوهية ولم يقع في هذا, وليس هذا هو معنى لا إله إلا الله. عندهم المشرك c'est celui qui prétend أن telle créature elle crée, أي الشرك في الربوبية. وهذا سبا معنى لا إله إلا الله. لا شك أن الشرك في الربوبية c'est très très grave, c'est du shirk. كذلك ça fait sortir de l'islam. Si واحد il se prétend musulman ou il était musulman, ثم il prétend أن telle créature elle peut créer, لا شك أن هذا c'est du shirk أكبر. لكن الشرك qui était répandu à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام وهكذا à notre époque, c'est الشرك في العبادة. أما كثير من الناس يغكونس أن الله عز وجل سي الخالق سي الرازق سي المحيي سي المميت, لكن يشركون في العبادة. معنى لا إله إلا الله سي سو بوان إسانسييل, إفراد الله سبحانه وتعالى في العبادة. أما الربوبية حتى بعض الكفار إلون غكونو إزون كرو أن هذا التوحيد أي الربوبية. أما قوله ولم يقع في هذا فهذا سبع على الإطلاق, بل قديما وحديثا بعض الناس يشركون في الربوبية. فمثلا بعض الزنادقة يعتقدون أن الولي يتصرف في الكون, وبعض الكفرة يعتقدون أن الأولياء أو مشايخهم يخلقون من دون الله سبحانه وتعالى. الشرك في الربوبية حاصل, لكن الأكثر والغالب الشرك في الألوهية. والكفار عموما إذن ركنوا هذا, ومع هذا سلزق في رنطقه في الإسلام كما تقدم. قال وإنما معناها لا معبود بحق إلا الله. فأبخي أبو السيتي حفظه الله معنى كنبا صحيح أي expliquer la ilaha illallah par la khaliqa illallah, c'est pas ça. Mais أن الخالق c'est Allah Azza wa Jal, et personne ne crée sauf Allah Azza wa Jal, هذا y a aucun doute. لكن هذا c'est pas معنى هذه الكلمة العظيمة. Et il va détailler قليلا. قال فمن قال لا إله إلا الله وجب عليه أن يفرض الله بالعبادة وأن يترك عبادة ما سواه, فإن المقصود من هذه الكلمة معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد النطق بها دون عمل بمعناها ومقتضاها. وهذا سنبقى أنطلق. Donc il faut connaître le ma'na et il faut le mettre en application. Mujarrad la prononcer. Et l'insan, iyad billah, il ne connaît rien de le ma'na. Et il n'applique pas cette kalima. Bel il la contredit laylan wa nahara wa hadha la yastafid minha shay. Il dit une chose qui contredit. Ça c'est important, ça nous montre ahmiyat al-ilm, ay ilm at-tawhid. Et ilm at-tawhid en réalité, c'est une explication de hadhihi ash-shahada. Imma son explication directement, imma l'explication de al-muqtada et ce que ça va impliquer, ou l'explication de ses annulatifs. Ou son explication en détail. Mathalan, al-ma'na c'est la ma'bouda bihaq illallah. Aïe, l'ibada c'est que pour Allah. Fait, tu vas étudier c'est quoi l'ibada. Mathalan, al-dabh, wal-isti'an, wal-istirata, wal-du'a, ila akhir. L'étude du tawhid c'est l'étude de cette kalima là, ghayr. Al-hada, al-muslimoun et talabat al-ilm akthar, ils doivent faire des efforts ihad. Et une دراسة قوية, pas مجرد اطلاع بسرعة ou une écoute de temps en temps, là, دراسة بحفظ وبمراجعة et بقراءة الشروح شروح أهل العلم حتى الإنسان اللي قوي بهذا الباب il fait profiter les autres لأن النقص qui touche la أمه c'est par rapport à ce point أي الجهل بهذه الكلمة بعض المسلمين ils ignorent tout de هذه الكلمة. Tu lui demandes une explication, il te dira même pas une explication fausse. Il a jamais pensé au sens de cette kalima. C'est grave. On commence par hadha al-bab, comme ils ont fait al-anbiya wal-rusul. قال فمن قالها وهو يعبد غير الله لم يكن عاملا بمقتضاها وهو ترك الشرك. مقتضى هذه الكلمة et ça c'est très très important et cette kalima elle va impliquer quoi qu'il faut délaisser le shirk voilà اما celui qui ne délaisse pas le shirk l'akbar l'adoration des morts l'adoration des tombes عياذا بالله à notre époque فهذا في الحقيقة il a pas délaissé l'annulatif principal de cette kalima voilà يستفيد منها il dit une chose qui contredit. كأن واحد يدي جي في الوضوء ثم إلا نل et persiste à dire j'ai fait je suis à la طهارة هل سيستفيد est-ce qu'il peut faire الصلاة est-ce que son كلام il est معتبر même si prête à avoir l'وضوء il l'a pas. Ça nous montre أن هذا الدين c'est pas des prétentions لا هذا الدين c'est une عقيدة صحيحة avec des أعمال avec des أقوال أما prétendre فكم من الناس ils prétendent des choses et ils sont très loin de cette chose. قال لا ينفعه مجرد النطق بها لأنه قد ناقض فعله قوله. ça nous montre que هذه الكلمة هذا التوحيد لا تنواقض. عدد annulatifs des choses qui annulent هذا التوحيد بالكل. هذا التوحيد كذلك il a des choses qui le diminuent. c'est pas des annulatifs لكن ça fait descendre l'iman. المعاصي والمحدثات والبدع. الإنسان يحذر من هذا كله خاصة الشرك كي أنيل كومبليتمون هذا التوحيد. قال والمشركون الأولون لما سمعوا هذه الكلمة عرفوا معناها وأنه ليس المقصود التلفظ بها ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ساكنون رفوزي دو لا دير لماذا لأنهم ils ont compris المعنى سي المعنى. Ça serait comme ils prétendent علماء الكلام من أهل الضلال والبدع أن معناها c'est la خالق إلا الله. Est-ce que les mouchrikoun ils auraient refusé de la dire? Mais ils reconnaissaient هذا. Si ça aurait été cela le معنى, ils se seraient pas retenu un instant de la prononcer. لماذا? لأنهم ils auraient pu continuer à adorer leurs idoles. Et ils auraient, avec leur reconnaissance, Allah c'est le Khaled. Lakin là, ça montre que cette kalima contredit ma alayhi al mushrikoun. Et c'est ce que haoula al-juhal min ulama al-kalam, que ce soit min al-mu'tazla ou al-ash'a'ira, ils n'ont pas compris. Ou, بعضهم, ils ne veulent pas comprendre. Qal wa fi waqtina hada. Après avoir cité un exemple, un tafsir qui n'est pas authentique de la ilaha illallah, la khaliqa illallah, هذا, c'est pas sahih, d'expliquer cette kalima, cette shahada, par tawhid al-rububiyya. Et on répète, al-muwahhid labud, an ya'tarif wa ya'taqid anna Allah azza wa jalla, c'est le khaliq wahda. Lakin, c'est pas ça, ma'na la ilaha illallah. فانتبهوا لهذا quand vous expliquez خاصة عامي بعض الإخوان يفون يوار يديز أن توحيد الربوبية سيبا صحيح هكذا على الإطلاق لا لأنه هو يبا با كمخوند يبا دير كيف يقول أن لا خالق إلا الله سيبا صحيح لا tu lui montres أنه expliquer cette كلمة par الربوبية سيبا صحيح وإلا فلا بد من الاعتراف بتوحيد الربوبية لماذا لأن celui qui explique الشهادة par la ilaha illallah في الحقيقة il a accepté ماذا توحيد الربوبية لأن المعبود c'est le خالق tu lui montres que ça implique là chacun a celui qui adore Allah Azza wa Jal c'est qu'il l'adore parce que c'est le créateur même celui qui prétend que c'est le créateur est-ce que ça implique qu'il va l'adorer ça dépend de l'insan بعض الناس reconnaissent que Allah c'est le créateur et il l'adore pas تأمل في حال Iblis on cite souvent son exemple. Est-ce que Iblis il a prétendu que c'était le créateur? Ebeden. Bal i'tarafa anna Allah il l'a créé. Bal il s'est enorgueilli en prétendant que Allah il l'a créé min nar et qu'il était meilleur que Adam qui a été créé min tin d'argile. Donc ça montre que Iblis il a reconnu hada khalaqtani min nar. Ma hada? Est-ce qu'il a adoré Allah azza wa jalla? Usjud lima khalaqtu bi yadayya? Il n'a pas voulu. Kafar. Ayyadam billah. Faire bien attention fi hadhihi an-nuqta. Yanna rubbama wahid qui n'est pas à la ilm ou qui n'a pas l'habitude d'entendre hadha tafsir, ma yafham. Il faut bien expliquer anna tawhid ar-rububiyya c'est muhim. Et ça fait partie de l'iman. Lakin ça ne suffit pas. La bud min shay en plus. Et hadha shay az-za'id. Tu l'expliques avec هذه الآية. أجعل الآلهة إلها واحدة. إن هذا لشيء عجاب. Ça montre أن مع اعترافهم أن الله عز وجل في الخالق في القادر في الرازق في المحيي في المميت. Ils ont pas voulu délaisser leurs idoles. Et c'est ça le shirk بالله عز وجل. Et c'est pour ça que le Nabi صلى الله عليه وسلم les a combattus. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas voulu dire هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. Après avoir montré cela sur le Bouzan Havidahullah, il va citer un deuxième tafsir, une deuxième explication qui est fausse, كذلك. قال وفي وقتنا هذا وجد من يفسر لا إله إلا الله بأن معناها هو إفراد الله بالحاكمية وهذا غلط لأن الحاكمية جزء من معنى لا إله إلا الله وليست هي الأصل معنى هذه الكلمة العظيمة. La première erreur. Le premier tafsir, la khaliqa illallah, c'est une erreur. Limada, comme taqaddam ma'ana. Et annahum, ils ont expliqué la ilaha illallah par une chose que al-mushrikoun, ils ont reconnu. Et ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Et al-rububiyya, ça implique al-uluhiyya. Et celui qui reconnaît Allah Azza wa Jalla en tant que créateur, il doit l'adorer. Là, le deuxième tafsir, annahum, ils ont expliqué la ilaha illallah par une partie, faqat. الحاكمية الحاكمية سابين دل حكم أي هنا المراد الحكم بما أنزل الله فبور لا إله إلا الله سابين دير ك tu es obligé de juger par les lois d'Allah سبحانه وتعالى أي الحكم إلى لله وحده donc tu es obligé de juger par les lois d'Allah قال الشيخ الفوزان حفظه الله وهذا غلط pourquoi c'est une erreur مع أن الحكم بما أنزل الله لا شك صحة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. C'est très très grave de délaisser le fait de juger par les lois d'Allah. لكن لماذا تمنعه؟ قال لأن الحاكمية جزء من معنى لا إله إلا الله. C'est qu'une partie. Comment expliquer cette kalima par une partie؟ قال وليست هي الأصل لمعنى هذه الكلمة العظيمة بل معناها لا معبود بحق إلا الله بجميع أنواع العبادات. Pourquoi spécifier فقط الحكم؟ الحكم c'est لله، الدعاء كذلك، الصلاة كذلك، الصيام كذلك، الحج كذلك، الاستعانة كذلك الاستغاثة كذلك toutes les عبادات لله. فpourquoi ils ont cité ou spécifié qu'une عبادة؟ لأنهم ils ont un مقصدهم, ils ont un objectif. قال شيخ الفوزان ولو اقتصر الناس على الحاكمية فقاموا بها دون بقية أنواع العبادات لم يكونوا مسلمين. تصور أن تسي واحد يجوج par les lois d'Allah عز وجل لكن il invoque un mort, est-ce que ça va lui être utile? Abadan. C'est comme quelqu'un qui fait salat et qui adore les morts. C'est d'aucune utilité. Fadima a spécifié hadith kalima par une ibada. Fakat. Al-hukmu bima anzal Allah. Ça, c'est une erreur claire. C'est comme si Wahid il explique la ilaha illallah par il faut faire la salat que pour Allah. C'est haq. Que la salat c'est que l'Illah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Vous avez remarqué que dans ce verset, il y a As-Salah, il y a Nusuk, et il y a la vie, la mort et toutes les ibadat lillah. Et c'est ça, ma'ana, la ilaha illallah. Amma le wahid, il dit, la ilaha illallah, il faut faire salat que pour Allah. Ça veut dire que celui qui fait salat pour Allah, c'est un musulman, tamam. Lakin, si il invoque autre qu'Allah, ou il fait al-hajj pour autre qu'Allah, ou il tourne autour des tombes, il fait tawaf autour des tombes, ou il tawakkal ala ghayrillah, mouhim, des autres ibadat, est-ce qu'on va dire que c'est un musulman? Ça nous montre que هذا التفسير il n'est pas complet. On peut se poser la question لماذا؟ Pourquoi avoir choisi que cette ibada؟ قال شيخ الفوزان ولهذا تجد اصحاب هذه الفكره لا ينهون عن الشرك ولا يهتمون به. Ceux qui ont propagé هذا الفكر الخبيث c'est الاخوان المسلمون. Et parmi الاخوان الخوارج والتكفيريون و والسرورية والقطبية tous ceux-là دائما يدندنون حول هذه المعنى أن لا حاكم إلا الله الحاكمية يحاربون علماء التوحيد. قال الشيخ الفوزان ويسمونه الشرك الساذج. ساذج الهين, أي هذا الشرك اللي pas trop grave. Pourquoi? لأنهم ils ont pas compris دعوة الأنبياء. نوح عليه الصلاة والسلام قضى عمره 1000 سنة 1000 ans إلا 50 sauf 50 950 ans وهو يدعو إلى هذا التوحيد وهؤلاء الضلال يديز الشرك الساذج. Et c'est pas trop grave, vous perdez votre temps دائما في هذا. Et critique علماء التوحيد et leurs suiveurs. قال وإنما الشرك عندهم الشرك في الحاكمية فقط. لهذا هم يقولون هؤلاء الحركيون الضلال يقول أنتم تحاربون شرك القبور, أي أن parlant بعلماء التوحيد وطلبة العلم أن أنتم تبالي دائما الشرك par rapport au قبور, يقول ونحن نحارب شرك القصور, أي الشرك اللي قصور, قصور c'est les palais, أي les gouverneurs. ففي الحقيقة هؤلاء دي خوارج تكفيريون, الإخوان المسلمون دي خوارج. Et leur but بهذا c'est تكفير الحكام. لماذا الآن on fait le lien avec la ilaha illallah. يقولون celui qui ne juge pas avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala pour forcément il a annulé la ilaha illallah. لماذا؟ لأن le sens de la ilaha illallah c'est الحاكمية. هذا c'est grave. لا, لأن الحكم بغير ما أنزل الله هي تفصيل. S'il rejette عيادا بالله, il pense que les lois des hommes, elles sont meilleures que celles d'Allah. Ou ils pensent que c'est pareil, les lois d'Allah et autres. Ou ils pensent que c'est permis de juger par autre que les lois d'Allah. L'échec, il a annulé son islam. C'est du ta'an fi rabbil alamin, azza wa jal. Il y a un quatrième cas que l'ulama ici, s'il juge par autre que les lois d'Allah, lakin ya'tarif bi qusuri wa bi dhanbi. Il sait que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est wajib et c'est afdal, lakin il a un dha'f. Il a un dha'f, hada ça reste un musulman. Lakin hum ils font pas ce tafsir, limada? Pour kaffar hukam al-muslimin. Antabihu li hadhihi al-shubha qui était propagée jiddan il y a quelques années ila al-an. Qala wa innama ash-shirk 'indahum ash-shirk fi al-hakimiyya faqat wa huwa ma yusammunahu ash-shirk as-siyasi. Vous avez remarqué qu'ils ne regardent pas le shirk dans l'ibada. Et là, tu trouves ceux-là la yuharibuna le shirk. Par exemple, la construction sur les tombes, مثلا عبادة الأولياء عبادة القبور لا يحاربونهم بل تتخوف هؤلاء ils ont des liens étroits avec deux groupes qui sont fondés qui sont basés sur الشرك الصوفية والروافض لهذا تتخوف في جماعة الإخوان تتخوف دي صوفية تتخوف دي روافض عيادا بالله لماذا؟ لأنهم leur دعوة n'est pas fondée sur توحيد الأنبياء بل leur دعوة est fondée sur الهوى ولهذا أما علماء السنة لا يكمبات أصلا الشرك بالله عز وجل قال فلذلك يركزون عليه دون غيره ويفسرون الشرك لأنه طاعة الحكام الظلمة هذا هو مقصودهم تكفير الحكام Et tu trouves Ha'oula, Abedan, ils mettent en garde contre Rawafid. Abedan, ils mettent en garde contre Soufiya. Ou Nadiran, même s'ils mettent en garde, en général, ils ont une maslaha. Ou c'est des choses personnelles. Ou illa da'watun, fondée sur le tawhid, et qui met en garde contre le shirk. Ha'oula, ils sont ba'id an hada, ayyadan billah. Enfin, ce point, il est très très important. Ma'na la ilaha illallah, et stafadna wa lillahi alhamd. أن بعض الناس يفسرون هذه الكلمة avec des تفاسير خاطئة غير صحيحة ça nous montre l'importance d'étudier هذه الكلمة et l'importance d'étudier كذلك ces تفاسير pour faire attention pour mettre en garde إن هؤلاء يفون دعوة كذلك الإخوان والصوفية وجميع الطوائف يفون دعوة Et بعضهم يقول نعم nous aussi on fait دعوة on montre la ilaha illallah les bienfaits l'akhirah لكن c'est fondé sur des explications qui sont fausses ومن الرسائل النافعة في هذا تفسير كلمة التوحيد للمؤلف رحمه الله لشيخ الإسلام كذلك شيخ الفوزان شرح هذا كان تفسير جميل مختصر et on l'a déjà étudié avec بعض الإخوان ولله الحمد فراجعها elle est مهمة Elle est que sur ce point. Ma'na la ilaha illallah. Et kadhalik, les explications est mise en garde contre les mauvaises interprétations. Qala al-mu'allif rahimahullah wa al-kuffar al-juhal. Ya'lamuna anna murad al-nabiyy sallallahu alayhi wa sallam bihadi al-kalima huwa ifradullah ta'ala bit-ta'alluq wal-kufru bima yu'bad min dunillah wal-bara'atu minh. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب هذا تقدم معنا كثيرا أي أن الكفار ils ont compris le sens de cette كلمة c'est pour ça qu'ils ont refusé de la dire فنستفيد نحن أن celui qui prononce cette كلمة qui fait ce témoignage عظيم il doit délaisser le shirk لماذا؟ لأنه يقول لا إله إلا الله أي personne ne mérite d'être adoré sauf Allah donc forcément il doit délaisser le shirk il ne doit pas adorer un nabi ولا un malak ولا un shaykh ولا un wali ولا un vivant ولا un mort أحد أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد وعبد الله ولا تشرك به شيئا c'est ça معنى هذه الكلمة العظيمة c'est pour ça que هؤلاء ils ont refusé de la dire أجعل الآلهة إلها واحدة. Toutes ces idoles qu'ils adorent, est-ce qu'ils doivent les délaisser pour adorer إله واحد, أي Allah? Ils n'ont pas voulu. Mais ils ont été étonnés. إن هذا لشيء عجاب. Pour eux, c'était quelque chose d'étonnant. Qu'est-ce qu'on va délaisser toutes ces idoles? Ce délaissement, la Bouddha mène. Et c'est ça, قولنا لا إله نفيون, أي délaisser tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. إلا الله, adorer Allah. Ça montre que cette kalima est fondée sur ces deux piliers. Man yakfur bil ta'awud wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwati al wuthqa ay la ilaha illa Allah. La bud min al kufr bil ta'awud ay al shirk et al iman billah. Adorer Allah azza wa jalla. Amma adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il fait du shirk. Adorer autre que lui ma'a subhanahu wa ta'ala, ça contredit asluddin et ça contredit ma'na hadhihi al kalima al 'azima. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان أي الكفار يعرفون معنى لا إله إلا الله ولهذا لما قال لهم صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدة أي نعم قال لهم قولوا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدة أي Ils ont été étonnés, les malades, annahum, ils ont su qu'il fallait délaisser toutes leurs idoles. قالوا ولما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أإنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. كذلك ce verset on l'a déjà cité. Ces deux versets on les a cités auparavant. من سورة صاد ومن سورة الصفات. قال بل جاء بالحق وصدق المرسلين فهم فهموا معنى لا إله إلا الله. Dans le premier verset, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا. Ils ont compris qu'il fallait adorer Allah seul. Et dans le deuxième, أَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا. Est-ce qu'il faut qu'on délaisse toutes nos idoles? Ils ont compris que cette kalima, la ilaha illallah, il fallait adorer Allah seul. C'est pour ça qu'ils ont refusé de la dire. Amma, si le sens ça aurait été que personne ne crée, ou il n'y a pas de créateur sauf Allah, ils l'auraient dit. Voilà, إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُونَ اللَّهُ. Ils diront Allah. Enfin, ils ont reconnu هذا. قال فَهُمْ فَهِمُوا مَعْنَ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ وَأَبَوْا أَنْ يَعْتَرِفُوا بِهِ لِأَنَّهُ يُلْزِمُهُمْ بِتَرْكِ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَهُمْ لَا يُرِيدُونَ هَذَا وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ الْبَقَاءَ عَلَى عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ. Ça fait partie de l'hawa. وبعض الناس عيادا بالله ils veulent rentrer في الدين لكن sans délaisser le batil. Ça c'est grave. En بعض الناس مثلا tu l'appelles à rentrer في السنة et tu lui montres فضائل et le سنة وأصول السنة et il répond أنه نعم لكن il faut pas qu'il délaisse son char. Il faut pas qu'il délaisse le batil. Et il veut mélanger. هذا لا ينبغي. هذا c'est دين الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى il a créé les عباد que pour هذا. الإنسان لا بد أن يستسلم. C'est ça l'islam. C'est l'islam, on se soumet. Le mu'min, il n'a pas le choix fi hada. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. انظر هؤلاء. C'est quoi qui les a poussés à leur perte? Non, ils ont voulu accepter ce qu'ils voulaient, délaisser ce qu'ils voulaient, et ils ont délaissé طريقة الرسول. On fait attention, à l'hawa. هذا الدين. Celui qui veut avancer, يحذر من الهوى, il est patient. قال ولم يجرؤوا أن يقولوا لا إله إلا الله ويبقوا على عبادة الأصنام لأن في هذا تناقضا وهم يأنفون من التناقض. نعم, ils n'aiment pas se contredire. Ils ont su que s'ils disaient لا إله إلا الله et continuaient à adorer leurs idoles, c'était une contradiction. وهؤلاء ils n'aiment pas هذا. قال في حين أن كثيرا من المنتمين إلى الإسلام أي منتسبين إلى الإسلام اليوم لا يأنفون من هذا التناقض فهم يقولون لا إله إلا الله بحروفها ولكنهم يخالفونها ويعبدون غير الله من القبور والأضرحة والصالحين بل والأشجار والأحجار وغير ذلك فهم لا يفهمون معنى لا إله إلا الله. C'est ça la différence. أن المشركون القدماء qui était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était des arabophones, Quraysh. Le Coran, il est descendu en leur langue. Cette langue arabe, الآن, il faut des efforts pour l'apprendre, des qawa'id ila akhiri, Rome, il l'a parlé chez eux, dans la rue, avec leurs enfants, c'était leur langue maternelle. Et ils comprenaient. Ils ont refusé min bab al-inad, wal-kibr, wal-i'rab. Kafara, c'est des kuffars. L'orgueil, ils n'ont pas voulu accepter le haq. Tu trouves l'un, wa'ad al-nas, il prononce cette kalima, لماذا لأنهم يحبون الإسلام. Mais il la contredit à cause de quoi? À cause de l'jahl. C'est des ignorants. وتقدم معنا أن l'ignorance, c'est pas toujours une excuse. Ça peut être une excuse على الصحيح من أقوال أهل العلم. Et ça peut ne pas être une excuse. C'est l'insan, il ne veut pas apprendre. لأن الجاهل il est على قسمين. L'ignorant, il y a deux catégories. جاهل معرض. جاهل معرض. Il ne sait pas, مثلا بعض الناس ils savent pas معنى لا إله إلا الله. لكن il ne veut pas apprendre. Ya Fulan, je vais t'expliquer. Ya Fulan, tiens tes livres. Ya Fulan, c'est grave ce que tu fais. Il ne veut même pas comprendre. هذا il n'est pas excusé. أبداً. معرضون. Il a refusé الحق. Sans rentrer dans les détails, bien sûr, il faut bien le montrer. بعلم إلى آخر. قسم ثاني جاهل. لكن il n'est pas معرض. Personne ne lui a montré. هؤلاء si personne ne leur a montré, ils n'ont pas les moyens d'apprendre, et ils sont vraiment ignorants, ils pensent qu'ils sont à la haqq, ils n'ont pas la capacité de comprendre هذا القرآن وهذه الدعوة, فهؤلاء على الصحيح أنهم يعذرون, ils sont excusés par leur ignorance. وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أما mettre les deux catégories au même niveau, c'est pas sahih. قال فلا يكفي التلفظ بلا إله إلا الله دون علم بمعناها وعمل بمقتضاها بل لابد من العلم بمعناها أولا ثم العمل بمقتضاها لأنه لا يمكن أن يعمل بمقتضاها وهو يجهل معناها. هذا سان كلام نفيس. Ça nous montre l'importance du temps, l'importance d'occuper ce temps avec les choses les plus importantes. Et la chose la plus importante, c'est هذا التوحيد. On doit donner du temps, كذلك nos enfants, كذلك nos voisins, كذلك notre entourage, notre da'wah, elle doit être fondée sur هذا. Il a même faïda. Si واحد il sait faire salat, si واحد il comprend l'arabe, si واحد il est motivé à faire des nawafil, lakin il fait du shirk akbar. Même faïda. Et كم من الناس يزام الخير ربما صدقات وحج وعمرة والصيام إلى آخره لكن إذن يخطو دو التوحيد ربما إلي كنتخلي تعلمون أن بعض الناس يفعل الحج الحج ça demande beaucoup de sacrifices argent, temps, le déplacement et كذلك الهدي في الحج il va sacrifier لله tout ça c'est des عبادات عظيمة quand il revient يشرك بالله. Alors que pendant le Hajj, il répétait labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik. Et la sharika lak. At-talbiya كذلك c'est kalimat at-tawhid. Talbiya est fondée sur le tawhid. La sharika lak. Il répète ça dans le Hajj. Quand il revient, la première chose qu'il fait, il va rendre visite au wali et il sacrifie une bête. Shukran min bab ash-shukr. Reconnaissant envers le wali annahu il a pu faire le Hajj. C'est du shirk billah. Qui c'est qui lui a facilité le hajj? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui c'est qui lui a autorisé de sacrifier pour autre qu'Allah? Voilà ahad. Bala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça vient d'où hada? Ça vient de tarbiyat al-soufiyya. Ça vient de tarbiyat al-rawafid. Kathir min al-nas y sont à la tarbiyat al-rawafid dans certains bilans. Le côté de l'Iran il a akhiré. Et kathir min al-nas y sont à la tarbiyat al-soufiyya fi al-maghrib. L'Afrique, le Maghreb, il est akhir. C'est pour ça que ces fondements, ils sont ignorés. Ou, ayyadam billah, le ba'd, il les combat. Alors, on doit faire des efforts, comprendre cette kalima avec l'adillah. Kadalik, faire des efforts pour pouvoir l'expliquer aux autres. Famine al-khata, maintenant, l'amna ba'd, annas, ils veulent se convertir, ils veulent rentrer dans l'islam. Et hada, c'est tayyib. Ils ont de bonnes intentions, ils sont motivés. Lakin ceux qui les entourent, c'est des djuhal. La première chose qui commence, c'est qu'il faut lui changer son nom. Thomas, il a changé son nom, Thomas. Il faut qu'il vienne au masjid, il parle devant tout le monde. Thomas. Et il a tafsir hadi al-kalima. Ba'dhum na'am, kadhalik, il se précipite, il faut qu'il dise shahada. Thomas, il a prononcé shahada. Personne ne lui explique. Il faut lui montrer, bi'khtisar anna, il va rentrer bi'idhnillah azza wa jal. Ça va être un muslim bi'idhnillah jalla wa ala. Il va prononcer cette kalima azima. Ça va impliquer des choses. Il a une aqida que les yahoud, les nassara, les mushrikoun, les sa'il, les kuffar, ils sont à la bâtée. Et le haq, c'est dîner l'islam. Et personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. S'il accepte ça, il prononce, alhamdulillah. Mais il prononce, à la djahl. C'est ça, il n'y a pas. Mais le haqiqa, il n'est pas fautif. C'est un nouveau converti, ou ma yadri. Ceux qui sont fautifs, c'est ceux qui sont autour. Et les mains, ils sont fautifs. Les mains, les anoum, ils ne font pas d'efforts. Il a, alhamdulillah, le khayr, il est moujoud. Des dorouses partout, l'an, des kutub partout. Même s'il n'y a pas des dorouses dans le lieu de hadal insa, alhamdulillah, avec internet, avec toutes ces wassa'il, très simplement, l'insa, il peut trouver hadal khayr. On est là pour faciliter. Et là, c'est une ni'ma d'avoir compris. C'est une ni'ma d'avoir pu étudier ce genre de livre. La mina shukr, c'est de propager. On ne fait pas comme al-ba'd, ils apprennent et rien ne sort. La yambari hada. Là, tu apprends et tu propages. À la qadra l'istita'a. ne pas dépasser les limites, laquelle à la cadre de l'istidara, et on commence par hadith d'ab. Avec nos parents, avec nos voisins, avec nos amis, la akhirat, hatta incha'Allah, hadith al-khir yantashir. قال حفظه الله ولهذا يقول جل وعلا فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات فبدا بالعلم قبل القول والعمل فلذلك يجهل معنى لا اله الا فالذي يجهل معنى لا اله الا الله لا يمكن ان يعمل بمقتضاها على الوجه الصحيح هذا تقدم قال فاذا عرفت ان جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الاسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني نعم هذا عار ونقص وضعف كبير أن الكفار على époque du prophète عليه الصلاة والسلام ils ont compris هذه الكلمة ils ont refusé de la dire لا عن جهل بل عن إعراب C'est min al-ar et min al-dha'f qu'un musulman ne comprenne pas cette kalima. Alors que ba'd al-kuffar, ils l'ont comprise. قال بل يظن ان ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد. بعض on y pense que c'est la dire, فقط. La prononcer sans comprendre le معنى, sans l'appliquer. هذا c'est très très grave. قال هذا من اعجب العجب ان جهال الكفار والمشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون أن معنى هذه الكلمة هو إخلاص العبادة لله والترك عبادة غيره فلذلك امتنعوا عن النطق بها تحاشيا لترك عبادة آلهتهم وتعصبا لباطلهم Deux choses نعم Ils ont délaissé هذه الكلمة مع أنهم connaissaient le معنى لماذا؟ لأنهم ne voulaient pas délaisser leur آلهة هو عيادا بالله Les passions ils savaient que هذه الآلهة لا تخلق ولا تنفع ولا تضر ils savaient très bien لكن عيادا بالله les passions et كذلك التعصب لباطلهم أي التعصب للآباء أي ils ont pas osé délaisser leur dîn qui était fondé sur الشرك pour suivre النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لأن c'était le dîn de leurs ancêtres لهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله son oncle qu'est-ce qu'il a répondu أو qu'est-ce qu'ils lui ont dit المشركون qui étaient présents أبو جهل وأبو جهل ومن معه est-ce que tu vas délaisser ملة عبد المطلب راغب عن ملة عبد المطلب est-ce que tu vas délaisser le dîn de tes ancêtres qu'est-ce qu'il a répondu il a répondu أو il a choisi أنه Il reste sur la religion de ses ancêtres, ayyadam billah. Al-hadar, al-hawa et de ta'assum. C'est les deux causes principales de l'inhiraf. Qala, wa man yadda'i l'islam al-yawm la yafham anna ma'na hadhi l'kalima huwa tarku ibadati l'qubur wal-adriha wa ikhlasu l'ibadati l'illah wa lithalika sara yakuluha wa huwa muqimun ala shirkihi la ya'naf al-tanaqud wal-jam' bayna al-diddayn. A cause de l'ignorance. الحقيقة celui qui prononce لا إله إلا الله et il fait du shirk il se contredit لأن la kalima qui prononce le sens c'est ne pas faire de shirk et où il en fait لكن c'est pas comme المشركون الأولون qui ont refusé de la dire لأنهم ils étaient على علم هؤلاء كثير منهم ils sont على الجهل لكن on répète الجهل c'est pas forcément une excuse قال فصار جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم المصيبة أن certains de cette communauté ils sont pas قليل certains مسلمين ils sont pas قليل sont nombreux أنهم لا يعلمون معنى هذه الكلمة ils connaissent pas le sens ils connaissent pas ce que ça implique ils connaissent pas les annulatifs ils connaissent pas le tawhid لماذا؟ لأن هذا التوحيد يفو فيه ديزفار الحقيقة هذا التوحيد للستة في القرآن بل القرآن كله توحيد كما قال ابن القيم رحمه الله لكن لا يدرسون مجرد قراءة pourtant القرآن il est lu dans les مساجد tous les jours que ça soit l'imam que ça soit المسلمون ولله الحمد الزامير المصحف et il lit ce genre de verset فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ Il lise, قول الله عز وجل, أجعل الآلهة إلها واحدة. لكن, مجرد قراءة. C'est pour ça que comprendre هذا القرآن c'est مهم. Comprendre كلام أهل العلم المفسرين c'est مهم. خاصة في هذا الباب. قال وصار هذا المدعي للإسلام يظن أن المراد بهذه الكلمة هو النطق بحروفها من غير اعتقاد لمعناها. فصار يردد معها دعاء الموتى والمقبورين ليلا ونهارا. صحيح البعض ربما يفوت الشرك يديز لا إله إلا الله. Peut-être qu'il va tourner autour d'une tombe et من أذكاره يقول لا إله إلا الله. C'est une مصيبة. فأما يدي لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. C'est ça le معنى الصحيح. لكن vu qu'il ignore ou il veut pas apprendre ou un autre سبب, il va dire cette kalima, il ne fait pas de shirk, adore Allah seul, il ne fait pas de shirk, et il fait du shirk, il tourne autour d'une tombe. C'est une musiba. Haqiqa, le naqs, il est huna, les faiblesses de la communauté, c'est ce point. C'est pas autre chose. Les autres choses, ça suit. Bad al-Nas, ils essayent de trouver des solutions, limada. Al-Umma a des faiblesses, limada. La Umma a du mal à avancer, limada. Al-Kuffar, ils humilient la communauté, limada. On a atteint cette faiblesse. Le problème, il est là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé le da'wa par ce point. Quand beaucoup de gens l'ont suivi, wallahi alhamd, min al-sahaba wa al-sahabiyyat, et il a fait le hijra, il a délaissé Ard al-Kufr pour le Médina. Et le Médina, c'est devenu dawlatu al-muslimin, et il a éduqué cette génération à la tawhid, tout le reste c'est venu. Après, ils ont fait le hajj, ils ont fait le jihad, ils ont fait Ramadan, et le khayr s'est répandu très très vite. Il est vaïf, et ils essayent de trouver des solutions autre part. Les malades, les anahum, ils ne connaissent pas da'wat, hadal nabi al-karim, alayhi salatu wassalam. Les malades, les anahum, ils n'ont pas étudié ce genre de rasail très très simple. Les malades, les anahum, ils sont occupés par autre chose, ad-dunya, ou al-fitan, ou al-qil, ou al-qal, ou al-hawa, ou al-ta'assub. Tout ça, ça éloigne هذه الأمة من هذا الخير. كذلك أعداء الإسلام من الكفار اليهود والنصارى كذلك من الزنادق المنافقين أنهم يطعنون في حملة هذا التوحيد العلماء خاصة هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. لماذا؟ أسك الإمام محمد بن عبد الوهاب il leur a pris un bien ou il les a critiqués eux-mêmes, ou ils ont subi un tort de sa part, ils ne le connaissent même pas. Entre Cheikhoul Islam et eux, il y a des siècles, répondant. Lakin yata'anouna vi, limada li anahu, il a appelé à hada tawhid, et il a mis en garde contre leur shirk. Fakama, anna al-kuffar, ils ont combattu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, limada li anahu, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, qulu la ilaha illallah, ils n'ont pas accepté. Et ils l'ont combattu, fahakada. هكذا دعاة الشرك على طريق لماذا يكمبات هذا الإمام لأنه إلى جد الدين الرسول عليه الصلاة والسلام هل يكمبات avec des mensonges الوهابية يليز الوهابية يفو سيدي كذب. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.